étend son manteau. La mer revêt sa couleur gris. Tu passes tes mains sur mon dos dans cet instant qui s'improvise. Nos regards face à la mer et nous perdus dans nos pensées. La douceur de cette atmosphère, une invitation à t'aimer. Moment de tendresse, assis sur un bloc de granit. Je t'aime, je le confesse, devant Neptune et Aphrodite. L'écume se jette à nos pieds, main dans la main, on reste marbre. Cet endroit nous il se dresse, le phare qui dirige les marins, comme un clin d'œil qu'il adresse à ce jour qui nous appartient. Moment de tendresse, assis sur un bloc de granit, je t'aime. Caresse nos visages, les goélands sont nerveux, se prépare-t-il à un orage? Les vagues se jettent sur la roche, les falaises rouges s'étirent au loin, la pierre que je lance ricoche, le goémon lit nos destins.